Situation chaotique, feuille à rouler, OCP narcotique. Les banlieues brûlent malgré le kercher de Sarkozy. Dans la douleur en ventre à Tchernobyl, l'avenir est sombre, nuageux, Tchernobyl. Cagoulé pour Halloween, on est tous habitués aux entourloupes, aux saloperies. Les HLM, les MJC, c'est ça nos vies. Les impayés nous débordent, pas possible. Survivants du chaos, élevé au grec, au McDo. Le seum est dans leur garde de chaque mot. Misère sociale explique une partie du slalom. Le casier judiciaire en dit long sur le fardeau. Le franc CFA tellement laid face au lardo. Les putes et les Yankees ont une peur bleue du macro. Chaque chose qui bouge a son tarot. Libérer le cannabis du cargo. Survivant du chaos. Chaos, chaos. Survivant du chaos. Survivant du chaos. Survivant. Survivant du chaos. Chaos, chaos. Survivant du chaos. Survivant du chaos. Survivant. La télé raconte la délinquance, jeune banlieusard de 20 ans, jeune habitant du bâtiment mais cloué au ciment. On a poussé les portes du crime, parce qu'on crève en restant clean, en restant pisse. Vu que nos vies tournent au drame, que nos yeux connaissent les larmes, c'est normal que les bases du respect les armes. Dis aux flics qu'ils baissent leurs armes, sinon on baisse leur race. Le taux de chômage fait qu'on rêve de taf. Survivant du chaos, reste brave. Les vérités de mes propos font que les points s'exclament. Le vrai seum d'un banlieusard n'est point testable. Sans papier à la recherche du précieux sésame. En attendant, les obus s'écrasent. Les mômes rêvent de la guerre des étoiles. Cultivent la vraie graine de désespoir. Le RMI, le SMIC sont dérisoires. Messieurs les juges, délinquants s'écrient à l'encre noire. Survivant du chaos, chaos, chaos. Survivant du chaos. Survivant du chaos. Survivant. Survivant du chaos. Chaos, chaos. Survivant du chaos. Survivant du chaos. Survivant. Survivant.